démocrate, je vais à la wesh. Machine, celle qui enlève les tâches. Je demande comment ça marche. Il faut du cash, du cash. La meuf du trottoir d'en face me dit si tu veux faire splash, si tu veux faire des trucs trash, faut du cash, du cash, du cash. Cash, cash, cash, cash. Cash, cash, cash, cash. Il y t'aurait pas du H. J'aime mieux ça que les plans cravaches. Anyway, j'ai de la malgache. Mais faut du cash, du cash, du cash. Elle m'emmène dans son clapier. On fume un peu et c'est le pied. Mais je fous le feu, v'là les pompiers. Je m'arrache de ce guépier. Cash, cash, cash, cash. Cash, cash, cash, cash. Là qu'elle m'insulte la petite vache, je pique au pompier sa hache. Je la scalpe comme un apache. J'ai pas le temps de lui prendre son cash. Je me barre sur la route de Nash. Ville des keufs m'allume un flash. J'accélère avec panache. Et puis surtout j'ai pas de cash. Cash, cash, cash, cash. Cash, cash, cash, cash. Que font jouer à cache-cache. Ils me chopent et ils m'attachent. Moi je leur lance bande de lâches. Ils défouraillent et veulent mon cash. L'avocat commis d'office, c'est un vrai feu d'artifice. Il sue partout les orifices. J'aurais même pas le bénéfice du doute. En réalité, si t'as pas de cash, faut pas faire la vendetta. Faut pas crier mort aux vaches. Faut pas sortir de chez toi. Cash, cash, cash, cash. Cash, cash, cash, cash.